au PG à la tartitude poucade à la chute. Dans les geôles, on la chute. Beaucoup ont craqué, rentré comme des hommes, sucés comme des trappes. Sans sortie à la pute. Moi, je rappe à m'en épuiser, on me dit à la pile. Pourtant, tu me vois même pas à la pute. Ah ouais. L'esprit, j'en ai puisé des piles de textes puissants. Quand je sors une bench, life, Ramza me dit à la pure. De trop de bêtises, les MC bougent nos oreilles. Donc, il est temps de passer à la pure. J'ai besoin de tosse à l'olive, meilleur que pu. J'ai gros joint à la barre, vas-y, tire, tu vas dire à la frappe. Fernandez a menti, bench, life à la sec. Attends-toi à la suite, freestyle à la scène. Besoin d'une jack à la suite, OPP à la scène. La prod à la c'est vrai, je rappe pas quand même promis à la scène. On m'a parlé d'une femme sans vie sur cette phase, allez, suis-moi. J'crois que c'était une sirène. Tu te casses à la tête, t'as du mal à la décrypte. La zephra à la deck, en gros c'est un mythe mytho où elle existe pas. Exigeant à la tech, j'monte à la jauge, j'monte que là, j't'ai qu'à la moitié. Tu me juges et tu penses que j'vaux rien, j't'aurai. Niveau augmente, j'arrive longtemps après comme une amende majorée. Premier street sera bon, comme le premier jeu de ma journée. Chaque métaphore pique, allez ronce là. J'aurais tout dit largement, donc j'te seul et faut une seule. Ya, c'est la fin, maintenant passe à la 11. Petit mais grand dans ce game, voilà ce que je suis. A chaque texte je suis, j'ai su triton que la vie c'est pas beau. Quand t'as pas le maco et la go qui te démarque. Veuillez c'est signé, nain ou ça le rap. Un match de foot, j'me démarque. J'suis terrible comme John Terry, classe comme un ferry. Dans le rap tu me fais gollerie. La mine de mon bic est belle comme ta fumeux à feu d'où j'te cuis. Ma bite c'est une tasse toujours sur tes lèvres. J'élève le niveau comme un lycée. Usez le flow, ce que tu fais. J'ai les mots sans faire de vaudou. Ma mère vaut plus que tout l'or du monde. J'monte le nid, Mino, coup de nitro rapide sur la piste, tu piches, te kill. Mille et un mots pour le texte, mec, tu sers à rien comme next. Ton ex annexe, tu tombes dans l'alcool, pratiquement noyé, je t'envoie l'annexe. Tu me montes la barre comme Adidas à la tasse, gat, mine prétentieuse à la tasse. De la terre, je te ramasse à la masse, tu me suis à la trace. J'en ai marre, rap un bateau, j'lâche les amarres. Elle et lui, c'est oh l'amour, faites l'amour et la guerre, on n'est pas en temps de paix. Avec le terre-terre, vaut mieux être allié qu'ennemi, je te le dis, si tu veux pas trop. Trouver à la mort, défoncé à la drogue. T'as des amis que tu connais pas. À le bloc, tout le monde te kiffe. À le bloc, tu débloques. À l'asile, pour rien, tu zonces. À le proc, t'es speed. À la coque, une bagarre, tu t'esquives. À la fiotte, rien dans le froc, tout dans la bouche. À le gay flow, raffiné au parfum. T'es parfait, mais surfait au botox. J'boxe, tox de l'héros, mon fantasme. Une héroguine lesbienne. Ah, lesbienne, hein. Dieu gros, s'embellit à l'argent. T'as rien fait, il t'a serré à la jambe. Tu la pousses. Elle a pas démarré à la caisse. Excuse-moi, fallait que je te le dise à les fesses. Elles sont pas belles à la bête. Tu fais le con à l'école, traîne à la thèse. Tu fais rire à le clown, je te noie à la mer, tu pues à la mer. On a deux facettes dans l'album. Je mets la gomme pour t'effacer sur la feuille. Faut que je m'éclipse sans faire d'autres voix. À la prochaine, car là c'est à la fin. Donc maintenant faut passer à la 11. Passer à la suite et kiffer.